Banyanga. Chancela Mugisha Wimana sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditeurs, auditrices de la radio Sanganiro, à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Les habitants d'Obuterere, nous sommes au nord de la capitale économique et Bujumbura, déplorent les mauvaises conditions d'hygiène causées par le dépotoir de la place. Une question déjà soumise aux plus hautes autorités par l'autorité locale a fait savoir le chef de zone Obuterere. Vous l'entendrez à cette édition. Le parti MSP Nkinzo demande au gouvernement burundais d'honorer le mérite du Premier ministre Pierre Ngendangoumé en lui conférant le titre de héros national de l'unité. Cet appel ressort de la déclaration de ce parti ce lundi 15 janvier après 59 ans de son assassinat. Certains cultivateurs de coton de la plaine de Chibitoke et Gihanga se lamentent qu'ils n'ont pas encore été payés après avoir vendu à crédit le coton au mois d'août l'année passée. Et à la Cogeco, l'on tranquillise, on demandait à ces cultivateurs de patienter et qu'ils seront bientôt payés. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page commerce. Les autorités administratives sont appelées à travailler en synergie avec les commerçants et les commissaires des marchés dans tout le pays pour rétablir les listes de tous les commerçants qui ont des stands au sein de ces marchés. Audace Nyonzima, ministre des Finances, précise que c'est dans le but de connaître les commerçants en activité pour les faire signer les nouveaux contrats de paiement des stands. Ce ministre a indiqué que ces autorités ont ce mois de janvier pour finir ce travail. Il a dit ce lundi dans une réunion organisée à l'intention des gouverneurs des provinces, des administrateurs communaux et les cadres du ministère de l'Agriculture. Il a signalé que ces nouveaux contrats seront signés entre l'OBR et ses commerçants, et cela à partir de lundi de la semaine prochaine. Le parti MSP Nkinzo demande au gouvernement burundais d'honorer le mérite du Premier ministre Pierre Ngendandumwe en lui conférant le titre de héros national de l'unité dans une déclaration sortie ce 15 janvier, 59 ans après son assassinat. Ingénieur Bizimana Joseph, secrétaire général et représentant légal et suppléant de ce parti, appelle la commission Vérité et Réconciliation à faire des enquêtes approfondies sur l'assassinat du Premier ministre Pierre Ngendandumwe. Suivez-le dans ses propos recueillis par Mireille Kanyak. Le parti MSP Nkinzo Jambujabarundi prône la solidarité, la bravoure, l'unité et l'amour de la patrie des deux illustres personnalités, le prince Louis Rwagasore et le premier ministre Pierre Ngendandumwe. C'est pour cette raison que le parti MSP Nkinzo commémore chaque 15 janvier de l'année l'anniversaire de l'assassinat du premier ministre Pierre Ngendandumwe. Sa Majesté le roi Mwambutsa IV Banglicenge lui avait placé confiance à deux périodes différentes, à lui nommant comme Premier ministre le seul Hutu intellectuel à cette époque capable d'établir l'équilibre entre les quatre principaux facteurs de la vie politique, à savoir le Mwami, le parti, le gouvernement et le Parlement, et capable de former une équipe gouvernementale composée de Hutus modérés, de Tutsis modérés, en mesure d'obtenir la confiance du Parlement et de la conserver, ainsi que l'éradication du malaise dans les relations des communautés Hutus et Tutsis. Le Premier ministre Pierre Ngendandumwe était en compagnie de lutte pour l'indépendance du Burundi avec le prince Louis Rwagasore, assassiné le 13 octobre 1961. Il a conduit le pays vers l'indépendance le 1er juillet 1962. Nous demandons aux autorités que la parole est prononcée pour l'indépendance le 1er juillet 1962, qui a été prononcée par le Premier ministre Ngendandumwe, soit retrouvée dans les archives sonores ou dans les différents journaux au Burundi et dans les pays comme la Belgique et la France et au Vatican. Le parti MSP qui se demande avec insistance aux autorités compétentes, en l'occurrence son Excellence le Président de la République du Burundi, d'honorer le mérite du Premier ministre Pierre Ngendandumwe en lui conférant le titre de héros de l'unité nationale, comme le lui avait promu Sa Majesté le Roi Mwambutsa IV. Ce titre lui a été retiré par la Première République du Burundi. Le parti MSP Nkinzo demande à la Commission Vérité et Réconciliation sévère de faire des enquêtes approfondies pour que la vérité soit établie et connue sur les commanditaires et les assassins du Premier ministre Pierre Ngendandumwe. Placé à la page agriculture, certains cultivateurs de coton de la plaine de Cibitoke et Gihanga se lamentent qu'ils n'ont pas encore été payés après avoir vendu à crédit le coton au mois d'août l'année passée. Ils menacent d'abandonner cette culture au cas où la compagnie de gérance de coton Cogerco ne le rétablit pas dans leurs droits. À la Cogerco, l'on tranquillise et l'on demande à ces cultivateurs de patienter et qu'ils seront bientôt payés. Spécialité Scabagnette. Les cultivateurs de coton rencontrés au village 4 de la commune Gihanga se lamentent qu'ils ont vendu à crédit leur récolte de coton à partir du mois d'août et ne sont pas encore payés jusqu'à présent. Ils sont confrontés à la pauvreté et ne parviennent même pas à se procurer d'autres semences, comme ils le précisent. Ces cultivateurs demandent à la Cogerco de les rétablir dans leurs droits. À la Cogerco, on reconnaît ce retard. Certains agronomes contactés expliquent que la Cogerco a déjà payé aux cultivateurs jusqu'à 85%. Les 15% qui restent doivent attendre pour que les procédures financières puissent se terminer selon la même source. Spes Caritas Kavanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page tourisme à présent, les chutes de Karera en province Rutana ont été visitées par plusieurs touristes ces deux dernières années. Ce site a accueilli plus de 7000 touristes nationaux et étrangers l'année dernière. Propos de Manera Kizadesiré, représentante de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en province Rutana. Il demande au gouvernement burundais de fournir beaucoup d'efforts pour entretenir les sites touristiques burundais afin de renflouer les caisses de l'État. Suivez Manera Kizadesiré, représentant de l'OBPI en province Rutana, propos recueillis par Meda Nyunguru. Les gens qui viennent visiter ce site, ils sont de différentes catégories. Et il y a les Burundais eux-mêmes qui sont divisés en deux catégories. Il y a les nationaux non résidents d'ici et les riverains d'ici. Ils payent différemment. Les riverains d'ici payent 2000 francs pour visiter ces sites ou bien les failles des Allemands. Mais les non riverains payent 5000 francs. Concernant les étrangers, eux aussi sont divisés en deux catégories. Il y a les étrangers résidents et les étrangers non résidents. Les étrangers résidents paient 10 dollars, mais qui peuvent être échangés en francs. Mais les non résidents paient 20 dollars, qui ne peuvent pas échanger en dollars parce que les résidents travaillent au Burundi. Et n'oublie pas qu'il y a une loi qui ne permet pas les personnes de voyager avec les dollars. Raison pour laquelle eux, ces résidents, peuvent payer en francs. Pour le pays, j'aimerais dire que c'est un avantage. Parce que il y a au moins 2 ans que les étrangers et même les Burundais qui visitent ces sites-là ont augmenté. Il y a 2 ans que nous avons accueilli à peu près 5000 personnes. Mais pour le moment, nous accueillons à peu près 7000 et plus. C'est un avantage pour le pays parce que ceux qui entrent paient. Et l'argent qui paie entre dans le pays. J'aimerais appeler, quels que soient les parties prenantes, à fournir des efforts afin que le secteur touristique soit renforcé. Dorutana Cap sur Kayanza pour parler sport. Le joueur de volleyball de différentes provinces du pays qui ont participé dans le championnat de la Ligue intérieure de volleyball ce week-end à Kayanza disent se réjouir de l'organisation de cette compétition. Pourtant, il déplore l'état des lieux du terrain de jeu, le manque de l'eau potable, de la tribune, du vestiaire et des blocs sanitaires. Sylvain Bakanibona, conseiller socioculturel du gouverneur de la province de Kayanza, indique que la question a été déjà soumise au ministère de tutelle pour trouver solution à cette problématique. Les détails avec Patrick Senghiumfa. Cette compétition de volleyball a rencontré les équipes de Soje de l'intérieur du pays, comme Kayanza, Ngozi, Gitega, Bururi, Makamba, Ruyigi et Rutana. Bien que les joueurs, les entraîneurs et les spectateurs ont beaucoup apprécié positivement l'organisation du championnat, ils ont déploré pourtant l'état de lieu du terrain. Là, ils ont donné l'exemple du manque d'une tribune, du vestiaire, d'eau potable et des latrines. Ils demandent que cette question trouve solution par les instances habilitées pour les prochaines compétitions. Au niveau de l'administration provinciale Kayanza, l'on affirme que techniquement, le terrain de volleyball à Kayanza ne remplit pas les normes pour les compétitions. Il tranquillisait pourtant que les jours à venir, cette question trouvera solution par le ministère de tutelle en collaboration avec la Fédération nationale de volleyball au Burundi. Signalons que les 6 équipes qui se sont classées premières dans ce tournoi de Ligue intérieure affronteront dans la prochaine compétition les équipes de volleyball de Bujumbura, comme l'a indiqué le général de brigade Serge Nakavura, président de la Fédération nationale de volleyball au Burundi. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimba pour la radio Isanganiro. Page environnement, avant de boucler ce journal, la route menant vers le dépotoir de Mubone en zone Buterere de la mairie de Bujumbura est actuellement presque impraticable suite aux boues et aux stagnantes qui s'y observent. Des habitants de cette localité disent que cela est lié aux poids lourds qui viennent régulièrement y déverser des immondices. Ces habitants disent être fatigués par cette situation, à part des maladies liées au manque d'hygiène. Le chef de zone de Buterere dit être au courant de cette situation et que l'administration a déjà pris en main cette question. Reportage d'Ornella Mucho. Arrivé à cet endroit, l'on est accueilli par des tas d'immondices, des eaux stagnantes, une odeur nauséabonde et de mouches planant un peu partout. Cette route menant vers le quartier Mouoné est actuellement impraticable, surtout pendant cette saison pluvieuse. Les habitants de cette localité disent que cette route est en mauvais état depuis 3 mois. Ils disent être mécontents de cette situation. D'après moi, je dirais que c'est une honte pour les gens qui habitent ici. La route est détruite par des camions qui amènent des ordures ici. Ce dépotoir est visité par plus peut-être de 50 camions, voire même plus de 50, avec une route qui n'est pas dure. La route doit être détruite. Pendant cette saison, la route est pleine d'eau noire. Je ne vois pas un autre terme à utiliser. D'eau boue noire, des déchets, des quoi. Ça pue. Si tu passes ici, tu rencontres une personne, il sent une mauvaise odeur. En fait, en passant par ici, tu es parfumé négativement. C'est pratiquement difficile d'emprunter cette route, surtout avec les enfants. On peut même piétiner des épines ou des cailloux sans s'en rendre compte parce que ce dépotoir est presque totalement couvert par des immondices et cela nous cause des problèmes. Ils disent aussi vivre dans la crainte d'attraper certaines maladies comme le choléra et demandent la réhabilitation de cette route, mais aussi placer ce dépotoir dans un autre endroit. Comme habitant d'ici, je propose 2 choses. La réhabilitation de la route qui est détruite. Heureusement, la machine a commencé de dégager les ordures dans la route. Peut-être que les travaux vont continuer. Si ça continue, la route sera réhabilitée et nous serons vraiment à l'aise, comme d'autres quartiers. Deuxième chose, nous proposons que la décision prise par le gouvernement d'arrêter d'amener les ordures ici soit mise en application pour les amener à Kididaguzo où l'État a donné cette place. Le chef de zone Buterere affirme que l'administration suit de près ce problème et que des travaux de collecte des immondices à ce lieu sont déjà en cours. La mairie de la ville de Bujumbura avait annoncé depuis 2019 que le nouveau dépotoir sera installé en province Bubanza. C'est sur ce reportage de ma consoeur Ornella Mucho que se referme à cette édition, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. Les habitants de Buterere, nous sommes au nord de la capitale économique Bujumbura, déplorent les mauvaises conditions d'hygiène causées par le dépotoir de la place. Une question déjà soumise aux plus hautes autorités par l'autorité locale, a fait savoir le chef de zone Buterere.